Et notre rendez-vous hebdomadaire où on parle technologie de l'information, eh bien, c'est maintenant avec Raymond Poirier qui est chargé de communication à Litis. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Aujourd'hui, un seul sujet à l'honneur, Big Data. Big Data, et on va faire un petit survol de tout ça. Donc, les données massives, si on veut le dire en bon français. On en a parlé sporadiquement dans différentes chroniques, mais c'est que je suis tombé tout récemment sur une série assez intéressante de la BBC sur justement cette thématique-là. Je trouvais que ça présentait bien la nature de la bête, si l'on peut dire, les questionnements qui sont liés aussi à cette bête-là, une petite créature qui risque de prendre de plus en plus de place, qui en prend quand même pas mal au niveau mise en marché, au niveau recherche, mais qui au fil des prochaines années va en prendre de plus en plus. Alors c'est important de garder en tête qu'est-ce que c'est et ses incidences. Alors petit rappel, le big data, c'est un peu s'il vous plaît. Tout ce qu'on génère. Là, je veux dire, on tweet, on Instagram, on Facebook, il y a des pages qui sont sur le web, il y a de l'information qui est générée avec les caméras de sécurité, avec l'informatique embarquée, le GPS, les courriels. Donc, il y a énormément d'informations qui est générée minute après minute, seconde après seconde. Et qui est publique. Et qui est publique ou presque, si on peut dire. Ouais, aussi. Si on fait le parallèle, là, en 2010, un des chefs de Google, Eric Schmidt, avait dit que la quantité de data qui était colligée depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003, donc, ce qui est quand même pas rien, là, on parle de... Bon, c'est sûr que ça implique l'âge de l'information, donc mettons sur une douzaine d'années et plus. Eh bien, c'est à peu près l'équivalent du volume d'informations qui était produite à chaque 2 jours, aujourd'hui, désormais. Ouch. Alors, ça fait énormément d'informations. Là, à chaque 2 jours, on génère autant d'informations qu'on a générées de 2003 à jusqu'avant. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, comme je le dis, qui viennent d'un peu partout, d'endroits évidents, signaux mobiles, réseaux sociaux, transactions financières avec les cartes et le reste. Donc, tout ce qui est électronique, dans le fond, génère de l'information. Cette information-là circule à quelque part. Évidemment, il y a aussi toute la notion d'informatique embarquée qui est en train de se généraliser aussi, parce que ça, c'est une autre tendance à laquelle il faut s'intéresser. Toute la notion qu'on appelle aujourd'hui Internet des objets, en anglais Internet of Things, qui essentiellement amène de nouvelles manières de mesurer de l'information, d'obtenir l'information en intégrant des outils informatiques à différents objets, différents véhicules, donc les automobiles, on le voit déjà, mais aussi par exemple des tuyaux où on va intégrer justement des données pour pouvoir analyser en temps réel la qualité du tuyau lui-même s'il est en train de perdre de l'eau, évaluer le trafic, évaluer la consommation énergétique des édifices publics et autres. Ah, les compteurs intelligents. Les compteurs intelligents, pourquoi pas? En 1997, en fait, il y avait un architecte qui s'appelle Mike Bathey qui avait dit que, selon lui, d'ici 2050, tout autour de nous, d'une manière ou d'une autre, serait une sorte d'ordinateur. Et donc, on sent encore là qu'on est vraiment sur ce chemin où, de plus en plus, justement, on est entouré d'ordinateurs. Alors, tout ça, ça génère une quantité astronomique d'informations. D'ondes, mais aussi d'informations. D'informations, qui d'ondes, évidemment. Et la grande question, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on peut rentabiliser cette information-là, comment on peut profiter, par exemple, du fait que à Birmingham, en Angleterre, évidemment, les panneaux de lumière de nuit, dans le fond, sont équipés de senseurs qui peuvent transmettre de l'information sur la couverture nuageuse pour permettre une évaluation vraiment hyper locale de la température. Comment on peut profiter du fait qu'en Angleterre, il y a 40 000 arrêts d'autobus qui permettent aux passagers de laisser des messages sur les médias sociaux sur leur expérience dans le trajet d'autobus. Alors, il y a quand même des choses à faire avec ça, et c'est là où rentre en jeu ce qu'on appelle les données massives, le big data. Donc, c'est la grande question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, y a les questions de où on le met, évidemment, parce qu'il faut la stocker, cette information-là, mais encore là, c'est un autre débat. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, on a accès à une information, une quantité d'informations sans précédent, qui, au niveau de la prise de décision, devient extrêmement intéressante, qui au niveau de la mise en marché devient aussi extrêmement intéressante. Alors, il y a plusieurs préoccupations, plusieurs types d'instances qui cherchent à utiliser cette information-là. Et pour te donner un peu l'exemple le plus sympathique peut-être d'utilisation qu'on peut en faire, si on se limite à Twitter, il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont émises là-dessus. C'est une recherche, peut-être les auditeurs en ont déjà entendu parler, c'est un édomètre, en fait, qui a été fait pour les États-Unis. Donc, en utilisant 37 millions millions de tweets qui sont géolocalisés. Donc, si on laisse l'accès à notre cellulaire, on dit, ben oui, vous pouvez identifier où je suis. Donc, chaque tweet, on sait où il a été émis. Donc, ils ont utilisé 37 millions de tweets émis par à peu près 180 000 personnes aux États-Unis. Et ils ont choisi ensuite une série de mots, plusieurs milliers de mots, qui ont essayé de déterminer est-ce que c'est des mots qui sont généralement associés à la tristesse, est-ce que c'est des mots qui sont généralement associés à la joie. Donc, essayer de voir un peu les champs lexicaux de différents types de sentiments. Et là, ils ont envoyé ces informations-là dans la machine et ils ont réussi à aller chercher des cartes pour découvrir, dans le fond, à quel endroit les gens étaient plus heureux, dans quelles circonstances les gens étaient plus heureux. Parce que si t'es un usager Twitter qui est identifié à Québec, mais que t'es à Los Angeles, on est capable de le savoir aussi. On est capable de savoir que t'es loin de chez toi. Et donc, ce qui fait qu'ils ont remarqué notamment que les gens étaient plus heureux quand ils étaient loin de chez eux. Quand ils étaient en voyage, finalement, en déplacement, qui sortaient de leur quotidien. Ils ont remarqué aussi que on utilisait sur les démos comme « j'ai faim », comme « j'ai mal au ventre », quand on parle de villes où il y a un haut pourcentage de surpoids. Mais pourquoi on tweet à propos de ça? C'est juste, en tout cas, une question parallèle comme ça, là. Tout dépend de l'usage qu'on fait des médias sociaux, évidemment. C'est vrai, j'oublie toujours. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'avoir des données quand même assez précises sur différents types de mentalités avec un échantillonnage volontaire, mm-hmm, quand même assez important. Et donc, ça veut dire que pour les administrateurs des villes, eh bien, on peut aller cibler quand même assez facilement différents types de programmes en sachant qu'il y a une certaine préoccupation autour de différents enjeux. Évidemment, le contrepoids de ça, c'est aussi la publicité. Évidemment, on est rendu très, très loin de ce qui se passe dans Mad Men, la série populaire sur le monde de la publicité. Oui. Aujourd'hui, je suis tombé sur un article du MIT qui disait on devrait peut-être plus parler de math men que de mad men, donc des mathématiques, des gens qui sont capables justement d'utiliser les mathématiques, d'analyser des chiffres, parce que c'est des données brutes qu'on découvre, qu'on obtient, et c'est à partir de ces données-là qu'on est capable justement aussi d'aller cibler des clientèles, d'aller cibler des groupes, des gens, etc. Et encore là, ben ça devient des gens qui sont extrêmement intéressés aussi par le big data, et présentement, ça nous amène aussi tranquillement à ce qu'on appelle le marketing ciblé. On le voit déjà à une certaine échelle sur Facebook, en fonction des sujets sur lesquels on discute, ouais, en fonction des goûts qu'on a donnés à la machine, ben on a des publicités qui sont ciblées. Éventuellement, mais ça risque de pouvoir devenir aussi de plus en plus ciblé pour aller répondre de manière précise à un besoin qu'on pourrait peut-être être tenté d'émettre et éventuellement ben, d'aller au-devant de ce besoin-là, ou au-devant de ce goût-là, ou au-devant de cet intérêt-là. Mais c'est ciblé, et en plus, on sait où aller rejoindre les gens, parce qu'ils sont sur Facebook, on va aller les rejoindre directement là, on sait qu'ils sont là, on n'essaierait pas d'aller chercher un utilisateur qui n'a pas de compte Facebook, par exemple. Donc, c'est doublement pratique. Et ça n'a pas que des mauvais côtés, évidemment. Donc oui, pour la publicité, bon, tout dépend de votre angle de vue autour, ouais, de ça. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'aime pas ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont dire, ben tant mieux si on est capable de m'offrir un produit dont j'ai réellement besoin grâce aux mathématiques, grâce à l'utilisation des data, ben pourquoi pas? Il y a des utilités, donc on l'a vu au niveau de l'aide à la décision, il y en a aussi au niveau, pourquoi pas, de la sécurité. Je suis tombé en farfouillant sur un projet du Wisconsin, en fait, qui utilise, dans le fond, la surface du globe et l'analyse de Google Street View pour déterminer le taux de criminalité d'un quartier. Alors, eux ont passé, dans le fond, les photos de Google Street View à l'ordinateur, ont essayé de déterminer, dans le fond, une série de critères, dans le fond, des graffitis. Est-ce qu'il y a des graffitis qui sont visibles? Est-ce qu'il y a des barreaux aux fenêtres des maisons? Est-ce qu'il y a des traces de brûlures sur le sol? Est-ce que l'espacement entre les maisons est important? Et donc, à partir d'une série de critères, wow, comme ça, ils sont capables d'évaluer si le quartier pourrait être potentiellement à haute criminalité, et à partir de ça, ben, pouvoir aussi permettre d'identifier aussi des problèmes urbains à partir de ces données-là, et en ayant aussi, mais dans le fond, les statistiques pour pouvoir prouver cette information-là. Donc, quand on parle de big data, on parle vraiment de trucs qui sont peut-être, comme tu le mentionnes, un peu plus tangibles. Si on prend le gouvernement versus l'opinion, évidemment, la Charte des valeurs nous vient en tête. Il y a beaucoup d'opinions qui sont émises sur Facebook, par exemple, même sur Twitter, mais ça devient un peu difficile de calculer parce que ceux qui n'ont pas de compte Twitter ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce qu'on peut quand même prendre en compte ce genre de choses avec le big data? Mais en fait, encore là, tout dépend du type d'échantillonnage qu'on va chercher. Si on a par exemple, sur Twitter, des gens de Québec qui, mettons qu'on est 500 000 ici, je sais pas trop. Il y a 5 % par exemple de la population, 10 % de la population qui est active sur Twitter. Donc, on contrôle pas cet échantillonnage-là. On sait pas qui sont les gens, mais ça a quand même une certaine valeur, un peu comme à titre de sondage ou autre. Sauf que là, on se retrouve avec un sondage en temps réel. Évidemment, si on sort des médias sociaux, il y a une expérience qui est complètement autre chose qui a été faite au MIT où eux, ils ont décidé de géolocaliser 5 000 déchets, 5 000 matières résiduelles de factures diverses, dans le fond des bouteilles, des déchets divers. Et donc, ils ont décidé ensuite de les suivre pendant 3 mois pour voir où se rendent nos déchets. Donc, quand même une expérience assez intéressante. Finalement, ils ont remarqué qu'il y avait des déchets qui allaient dans le sens complètement contraire du lieu où ils devaient être enfouis, qui faisaient des trajets impossibles. Ils ont remarqué qu'il y avait des choses qui normalement devaient être destinées au recyclage qui finalement se retrouvaient au dépotoir. Donc, subitement, on se retrouvait quand même avec un constat de l'efficacité de notre gestion des matières résiduelles. Donc, c'était dans la ville de Seattle. Et on pouvait répondre ensuite à ces constats-là. Et ça, c'est encore en lien justement avec une forme du big data, une forme de données qu'on peut utiliser. En Allemagne, on utilise ça pour essayer de voir, par exemple, la performance de la ville, donc les types de déplacements, pour essayer d'optimiser justement soit le transport en commun, ou si on se pose une question, où devrait-on rajouter un train de banlieue? Eh bien, subitement, on peut voir les zones rouges, les zones plus imposantes au niveau transport. Encore là, dans la mesure, et on revient toujours, c'est comme une rengaine dans les chroniques technologie de l'information, donc l'idée du temps réel, parce que c'est quand même l'information qui existe déjà dans une certaine mesure, mais qui prend quelques mois, quelques années à colliger. Mm-hmm. Et là, dans le fond, le big data, c'est essentiellement ce qui nous prenait jusqu'à récemment un temps prolongé à colliger, analyser, rendre disponible. Eh bien, grâce à des techniques de cartographie nouvelles, grâce à des techniques de calcul nouvelles, eh bien là, on a accès à cette information-là dans l'instant. Donc, évidemment, ensuite, il y a toutes les questions de vie privée, il y a toutes les questions de sécurité, il y a toutes les questions de validité, mais déjà, c'est quand même... certains analystes vont même dire que c'est presque un Eldorado, d'une certaine manière, parce que si réussit à bien monétiser ça, ça va être extrêmement intéressant. Inversement, pour la planification étatique, gouvernementale et le reste également, ça peut être très intéressant, parce que là, on va pouvoir répondre à des besoins bien réels, en temps réel, avec un meilleur mode de planification. Donc, il y a un beau potentiel, mais évidemment, faut pas oublier non plus les questions qui sont reliées à ça. Et c'est pour ça aussi qu'en recherche, autant industrielle qu'universitaire, il y a des développements qui sont faits, mais c'est aussi des développements qui sont faits stratégiquement, à petits pas, en ayant conscience, justement, du poids potentiel que ces développements-là pourraient prendre. Alors, on n'a pas fini d'en entendre parler du big data. Raymond Poirier, les chroniques qu'on fait ensemble et plus d'informations se retrouvent sur votre site. Oui, itis.ulaval.ca. Alors, on ira faire un tour, certainement, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique TI. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir.